vrai sincère, tu demandes à maman. C'est soit tu détruis ma vie, soit t'es le médicament. Il est 30 000 euros quand je regarde l'heure sur ma montre. En gros, quand je réussis, je prends le temps de l'amour. J'écris ma vie quand l'inspire déborde. Je connais la valeur des mots. Pour le résultat, la manière importe. La chance ne fait pas partie du lot. Je suis là parce que j'ai jamais rien là, jamais rien lâché. Bébé soir je rentre tard, gentleman sans costard, je mène une vie de rockstar, je voulais faire le mili-mili, maintenant j'en ai deux, trois, je donne leur assez tocard, je viens de signer chez Audemars. J'étais dans les cordes, j'attendais seulement de leur mettre un crochet dans les côtes. J'ai toujours cru au proverbe qui dit un jour ou l'autre. J'aime quand maman me dit mon fils t'es la fierté des nôtres. J'ai la clé qui ouvre toutes les portes. J'ai pété le disque de diamant, pourtant j'étais loin derrière, c'est pas pour le style. Quand je te dis que j'ai dû remuer ciel et terre, numéro 10 dans mon domaine avec l'art et la manière, je vois ton fils, quand je me rappelle des 2-3 années derrière. On se fait la guerre en s'aimant, la joie ramène forcément les femmes. Et les femmes cherchent le sexe, du bon amant. La terre tourne doucement, les hommes riches tout souvent. Ta partie était déjà truquée. En meute avec mes loups, la lune nous garde en éveil. Y'a rien de mieux que de rêver, mais de bouler, de Dieu grand. Tu veux un amour fort et sincère, tu demandes à maman. C'est soit tu détruis ma vie, soit t'es le médicament. Il est 30 000 euros quand je regarde l'heure sur ma montre. En gros, quand je réussis, je prends le temps de l'amour. J'écris ma vie quand l'inspire déborde. Je connais la valeur des mots. Pour le résultat, la manière importe. La chance ne fait pas partie du lot. Je suis là parce que j'ai jamais rien là, jamais rien lâché. Péter le pavillon, je ne suis pas vieux, voler sans avion. Noirer le pavillon, j'écris ma vie, mais j'ai planté personne, je suis pavillon. J'ai trahi personne, je suis papillon. Ne viens pas nous faire la mafia, je sais pourquoi tout le monde est méfiant. Je relativise quand je suis pas fiable. Crois-moi, y'a pas plus lâche qu'un homme apeuré. Rapport charnel tellement intense qu'elle en a pleuré. J'ai fouillé dans mes songes comme dans du sable mouillé. Y'avait écrit devant les hommes, ne jamais s'agenouiller. Je ne tienne pas de travail, pas de plus. Rien que je voulais calder, comme un cœur, je voulais palper. Si je me sens pour, en un aller simple, y'a les sous, rien qu'on sent pas. Mon adolescence, elle est sombre. Y'a les sons propres, ouais mais y'a les sons salissants. Et je me sens comme Mohamed Ali sans sa licence. Repasse en bord, fais peur à la France plus que Monsanto. Comme n'est pas le rendez-vous à Montessando. Quand je suis à Los Angeles, c'est Los Santos. Ouais c'est Los Santos. Un putain de Santa. Je sors le soir dehors quand Paris s'endort. Pour tes yeux j'aurais pu torturer Santa. J'arrête le jeu puis je recommence sans toi. Je recommence sans toi. Tu veux un amour fort et sincère, tu demandes à maman. C'est soit tu détruis ma vie, soit t'es le médicament. Il est 30 000 euros quand je regarde l'heure sur ma montre. En gros quand je réussis, je prends le temps de l'amour. J'écris ma vie quand l'inspire déborde. Je connais la valeur.